Chapitre 22e. Au lieu de rentrer le soir à Chaville, René s'était contenté d'écrire à Angèle que des affaires urgentes l'en retenaient à Paris. Il y resta 4 jours entiers. Après cette idylle d'un mois en pleine solitude, il trouvait aux distractions de la vie parisienne un ragoût nouveau. Son esprit mobile et amoureux de contraste s'accommodait à merveille de ce changement d'air et de milieu. Pendant 3 jours et 3 nuits, il se satura de plaisirs mondains, cherchant à oublier l'inquiétante surprise qu'avait clos son séjour à Vélizy. Un matin, cependant, voyant la pluie tomber sur les trottoirs, il songea qu'Angèle était seule au fond des bois mouillés et se morfondait en l'attendant. Un mouvement de repentir et de pitié le saisit, et il courut à la gare Montparnasse. Arrivé à Chaville, il se dirigea lentement vers la forêt, vers le chemin le plus long. Tout en marchant d'un pas nonchalant, il pensa avec ennui aux explications qu'on lui demanderait, aux mensonges qu'il faudrait inventer, aux reproches tendres qu'accueilleraient ses paroles. Toutes ces choses l'agaçaient et influaient sur son humeur déjà rembrunie par cette matinée pluvieuse. « Voilà, se disait-il en se rappelant les prédictions de la Genevraie, la chaîne qui commence à faire sentir son poids. Ah, si seulement cette malencontreuse grossesse n'était qu'une fausse alerte, je me sentirais le cœur plus à l'aise. » Au moment où des armoises arrivées auprès de l'étang vert se reposaient l'esprit sur cette dernière pensée, il vit tout à coup devant lui, dans la brume légère, une silhouette qui ressemblait à Joseph Toussaint. C'était bien ce dernier, en effet, errant comme un fantôme mélancolique à travers les mantes et les prêles des talus. Il avait aperçu René et s'avança à grands pas. « Que diantre faites-vous là ? » s'écria le poète. « Je songe, répondit tristement Toussaint, je songe à la courte durée des choses. Il y a un mois, tous ces cerisiers, blancs de fleurs, formaient comme une couronne de vierges autour de l'étang. Aujourd'hui, tout est défleuri. Les rossignols se sont tus. Il n'y a plus que la fauvette des roseaux qui poursuit sa chanson criarde et affairée. « Est-ce encore une parabole ?» demanda René d'un air où l'ironie cherchait à masquer un embarras naissant. « Peut-être bien. Écoutez, les armoises, je vais vous dire quelque chose qui me brûle les lèvres depuis plusieurs jours, et puisque nous voilà seuls, j'aime autant vous en parler tout de suite. » Il l'entraîna le long de l'étang et marcha en silence pendant quelques secondes près de lui, le front penché, puis, relevant la tête et fixant ses petits yeux bleus sur les yeux étonnés et inquiets du poète. « Angèle Sénéchal vous aime » commença-t-il d'une voix ferme. « Plaît-il ? » s'exclama René avec cette froideur tranchante dont il savait si bien se servir. « Angèle vous aime passionnément !» répéta Joseph sans se laisser déconcerter. « Ne vous en défendez pas, j'en ai la certitude. »« Admettons qu'elle m'aime, » répondit l'autre impatienté. « Où voulez-vous en venir ? Et vous, l'aimez-vous ? Vous êtes absurde, mon cher. Quand on a la chance de plaire à une jeune fille comme Angèle, il faudrait être aussi niais que le vertueux israélite dont vous portez le nom pour ne pas se montrer follement amoureux. » Toussaint secoua la tête. Précisément la veille, au concert des Champs-Élysées, il avait aperçu René en compagnie de quelques artistes et de 2 ou 3 beautés demi-mondaines fort connues, et le brave garçon, se souvenant de la galante familiarité qui régnait dans ce groupe joyeux, trouvait que c'était là une singulière façon de se montrer follement amoureux. « L'aimez-vous sérieusement ? » reprit-il. « Comme on doit aimer celle dont on veut faire la femme. »« Ah, vous abusez, mon cher !» répliqua René d'un ton violent. « Que signifie cet interrogatoire ? Est-ce une distraction que vous prenez à mes dépens, ou est-ce une mission que vous remplissez ?» Joseph lui posa la main sur le bras avec un geste à la fois affectueux et grave. « Ne vous emportez pas. Je ne suis chargé d'aucune mission, et je ne suis poussé non plus par aucune sotte curiosité. Si je vous parle ainsi, c'est au nom de notre vieille amitié de baie. C'est vous qui autrefois m'avez tendu la main en me disant « Soyons amis », et c'est parce que je crois avoir toujours mérité cette amitié, c'est parce que j'ai la plus fervente admiration pour vos qualités d'homme et d'artiste, que je me permets de vous répéter avec une insistance qui part du cœur, si vous aimez Angèle, il faut l'épouser. » On voyait qu'il était profondément ému. René, remué par l'accent convaincu de son interlocuteur, détournait les yeux et se sentait mal à l'aise. Il parvint pourtant à se raidir contre cette émotion envahissante. « Mon cher Joseph, répondit-il, votre conseil part d'un bon naturel, et je crois à vos bonnes intentions. Assurément, j'aime Angèle, et je suis prêt à faire pour elle de grands sacrifices. Mais vous agitez là une question compliquée. Dans votre honnête et candide ignorance de la vie, vous ne voyez pas les impossibilités qui s'enchevêtrent comme des broussailles autour de ce mariage. la résistance obstinée de ma mère, les préjugés du monde où je vis, mon précaire état de fortune. Et voilà ce qui vous arrête ? Interrompit Toussaint avec une indignation douloureuse. Ah, je suis autrement pauvre que vous, et j'ai la prétention d'aimer ma famille autant que vous. Mais si ce bonheur m'était échu de gagner le cœur d'une fille dévouée, aimante et belle, je l'aurais emporté à Albestroff d'un air triomphant, et j'aurais crié à mes 10 frères et sœurs, « La voilà, je l'épouse, et j'entends que vous l'aimiez, si vous tenez à moi. » Quant à de l'argent, j'en aurais gagné à la sueur de mon front. « Quoi ? Vous êtes jeune, admirablement doué, vous avez déjà un nom, et vous ne trouveriez pas avec votre talent de quoi faire vivre la femme que vous aimez ?»« Eh, qu'en sais-je ? » murmura des armoises, à la fois honteux et irrité. « Je ne suis pas un pondeur de copies, moi. Je ne puis produire que lorsque j'ai toute ma liberté d'esprit. Et le mariage avec ses devoirs me semble un milieu dangereux pour un artiste. Le mariage sans amour, mais non le mariage avec une femme aimée. Écoutez, des armoises. Dans l'art, il faut avant tout une foi, et l'amour est une foi. Que m'importe vos qualités de coloriste et de virtuose, si vous ne possédez pas ce feu sacré qui brûle et fond les cœurs ? Oh, le poète qui connaît la source de nos larmes ! S'écria le pauvre Toussaint, rendu éloquent par le désir de convaincre cet homme qui l'avait pris sans seul amour et qui restait froid devant ce trésor. Le poète qui, sans toucher à notre personne, sans exciter nos nerfs, se pose devant nous et nous fait verser des pleurs solitaires, celui-là a vraiment du génie et ce talisman, c'est l'amour seul qui le donne. Heureux, continua-t-il en jetant un regard navré sur ces bois, qui avaient vu l'écroulement de ses dernières espérances. Heureux, celui qui aime et se sent aimé. Épousez Angèle. René, devenu nerveux, fauchait les herbes à coups de canne. « Vous avez sans doute raison, » répondit-il d'un air contraint. « Mais peut-être parleriez-vous autrement si vous étiez à ma place. Si j'étais à votre place. » Toussaint sentit les sanglots lui monter à la gorge et ne put achever. Des armoises, étonnées, le regarda en face et voyant sa bouche crispée par un frémissement douloureux, ses yeux gros de larmes, pour la première fois, il s'aperçut de ce qui se passait au cœur de son malheureux ami. Il détourna la tête, se mordit les lèvres, puis, brusquement, « Ce n'est ni le lieu, ni le moment de discuter cette question. Je vais à Vélizy et j'en causerai avec Angèle. Au revoir, mon cher Toussaint. »« Adieu, » fit Joseph avec un accent découragé, qui exprimait mieux que des paroles combien cette conversation l'avait peu rassuré sur les intentions de René. Celui-ci était déjà loin. Il gravissait d'un pas violent la montée sablonneuse qui conduit à Vélizy. Il était mécontent de lui-même et mécontent de la brusque ingérence de Toussaint dans ses affaires. Il était surtout furieux de voir que Joseph avait raison contre lui. Malgré les protestations de son ami, il s'imaginait qu'Angèle, ou tout au moins Madame Sénéchal, avait poussé le pauvre garçon à lui adresser ses questions importunes. Cette supposition lui fournissant un prétexte commode pour justifier son dépit, il se plaisait à y arrêter son esprit, à la grossir, à en faire un grief, et à s'en servir pour apaiser les mouvements d'une conscience inquiète. Il arriva tout échauffé et courroucé à la lisière du bois, et s'arrêta un moment pour respirer. Angèle était seule au logis. Madame Sénéchal avait fait une fugue à Paris, dont elle ne devait revenir que le lendemain. Tout en souffrant de l'absence de René, la jeune fille ne s'en était pas alarmée, la petite lettre qu'elle avait reçue l'ayant rassurée en partie. D'ailleurs, elle avait pour son poète des trésors d'indulgence. Elle se disait qu'un artiste de sa valeur ne pouvait rester continuellement cloîtré à la campagne, loin de ses relations littéraires, et elle se reprochait de lui avoir déjà pris une trop large part de son temps. Elle occupait les heures de l'attente en pensant à la joie du retour, à l'avenir, à cette mystérieuse métamorphose qu'elle pressentait, qu'elle souhaitait confusément, et qui ferait de la jeune fille une femme et une mère. Elle envisageait cette maternité probable sans terreur comme sans honte. L'éducation très élémentaire qu'elle avait reçue de Madame Sénéchal, le milieu très libre dans lequel elle avait vécu à la salle Corneille, son étourderie et sa légèreté d'esprit, enfin l'amour qu'elle éprouvait pour René et qui était passé à l'état de culte, toutes ces causes s'unissaient pour lui faire considérer cet événement comme une surprise heureuse et non comme une infortune. Elle était libre et maîtresse d'elle-même. Madame Sénéchal, qui l'adorait, après avoir crié bien haut d'abord, finirait par être enchantée de devenir grand-mère. Quant à l'opinion des autres, elle ne s'en tourmentait pas. L'amour de René tombait comme un magnifique rideau de théâtre entre elle et le monde. Le seul ennui, c'est que sa grossesse l'empêcherait peut-être de débuter à l'automne, comme elle en avait formé le projet. Elle était agitée, nerveuse, mais nullement effrayée. Avoir un enfant de René, cela rejetait bien loin les craintes et les scrupules. Un enfant qui le ressemblerait, qui aurait les beaux cheveux frisés, les grands yeux noirs, la bouche souriante, l'esprit et le talent de son père. Y avait-il là de quoi s'alarmer? Elle se sentait plutôt disposée à remercier le ciel et à le bénir. Elle était en train de se répéter toutes ces choses, tandis que des armoises montaient à Vélizy. Seule dans le jardin, les mains protégées par de vieux gants, elle procédait avec des ciseaux à la toilette de ses rosiers. Le ciel, encore chargé de brume, laissait tomber par place un rayon d'argent qui faisait soudain scintiller les gouttelettes tremblantes au bord des feuilles. Les framboisiers, lavés par la pluie du matin, avaient un vert plus intense et une frondaison plus drue. Les fleurs de l'été foisonnaient dans les plates-bandes. Œillets cramoisis, pavots écarlates, julienne pourprée, rose vermeille ou couleur de chair. Des milliers de mouches à miel bourdonnaient dans les tilleuls, et les branches des cerisiers ployaient sous les cerises rougissantes. Il y avait dans cette végétation mouillée et plantureuse, dans cette profusion de corolles éclatantes, une opulente fécondité qui s'harmonisait avec l'abondante floraison d'amour éclose au cœur d'Angèle. En apercevant René à la porte du verger, elle poussa un cri joyeux, et se débarrassant lentement de ses gants et de ses ciseaux, elle courut à lui les mains tendues. « Enfin te voilà, cher mien !» murmura-t-elle. Puis tout à coup, voyant son front rembruni et ses yeux sombres, elle recula, décontenancée. « Qu'as-tu ? » lui demanda-t-elle. « Tu peux parler, ma mère est à Paris et nous sommes seuls. »